quotidienne, quotidienne. Chacun de nous a sa référence. Maman, une idole ou un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Maman, moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus. Jusqu'à aller laver les pieds, laver les pieds de ses disciples. Maman, oh Jésus, quelle humilité! Et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Dans sa vie de tous les jours, tous les jours. Il avait malhonnête. Maman, c'était un homme très puissant qui passait son temps à la prière. Maman, Seigneur, je voudrais te ressembler. Seigneur, je voudrais te ressembler. Oh, Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Señor, quiero ficar con vos, oh.